sommes-nous ici? Reste avec moi là. On nous attend. J'ai si peur là-bas, ses yeux menacent. Christine, ne crains rien. Ses yeux qui brûlent. De quoi as-tu même peur? Si de sa main des gens sont morts. Fuis avec moi ce cauchemar. Il faut que le fantôme, ce fantôme est une fable. Écoute-moi, il n'y a aucun fou à l'opéra. Mais qui est donc Mais cet homme? Pourquoi vit-il tenter un jour de fuir rien ce savoir. Rêve futile? Je t'en supplie, dans ce labyrinthe où l'âme croit, le fantôme de l'opéra se glisse. Ici en toi, il n'y a aucun fantôme à l'opéra. Ah, où je reviens de ce monde où la nuit est reine, de ce monde où le temps ne connaît que la nuit noire, nuit noire. Ah, où je l'ai vu et je n'oublierai pas ses traits, ce visage que je vois qui m'effraie, ce visage. Christine, Christine.